Paguendo a jambie, non je sois ta bicyclette, t'es gagné pour faire de l'île na promène. On dit vent qui t'a vanté, les étoiles et vénitiennes, la cigale qui t'a chanté, pêcheur du soir. Bien loin d'un mon yon tambour qui t'a frappé. Non, tout de t'a contemplé. Ça vient dans la nature. Ça, c'est la vie de pigeon, c'est vrai, pécé. Mais faut que nous t'allons. Enfin, nous t'a qu'à jouer. Tout à gagne qui gagne. Le roi n'a promenade. Mais faut que nous t'allons. Enfin, nous t'a qu'à jouer. Tout à gagne qui gagne. Le roi n'a promenade. Mais faut que nous t'allons, enfin.